Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de cette nouvelle saison d'ActuVu. Un peu d'attente, on vous l'accorde, mais ne vous en faites pas, ça ne se reproduira plus, en tout cas on va tout faire pour. Alors pour se rattraper, cette semaine le programme est chargé, il est appétissant, vous aurez droit à non pas un mais deux affluotés qui vous seront présentés par Valentine et Nina, histoire de bien rattraper l'actu très riche de ces deux dernières semaines. Dans une thématique moins réjouissante, Lina reviendra sur les commémorations des 10 ans des attentats du Bataclan, des terrasses et du Stade de France, un sujet qui occupera une bonne partie de notre rubrique France, mais on reviendra sur d'autres événements qui ont eux aussi leur importance. Loubna vous apportera ensuite un éclairage nouveau et bien nécessaire sur la crise oubliée du Soudan, qui dure depuis maintenant 2 ans et demi. On parlera également de la COP30 et de Trump, qui ne quitte jamais vraiment l'actu. Ce sera ensuite Zoltan qui répondra à cette question, mais pourquoi les femmes travaillent-elles gratuitement depuis le début de la semaine ? Maëlle reviendra sur la zone de turbulence que traverse le festival d'Angoulême, mais aussi sur la libération de l'écrivain Boualem Sansal. Juliette vous donnera ensuite ses recos en pagaille entre commémoration des attentats du 13 novembre et Sainte-Soline. Et restez évidemment jusqu'en fin d'émission, chers candidats et candidates au concours des écoles de journalisme, puisque cette semaine on vous présente l'IPJ. Mais sans plus attendre, petit rattrapage d'actu avec le premier affluoté présenté par Valentine. Le cauchemar de Cécile Kohler et Jacques Paris est bientôt fini. Les deux derniers Français détenus en Iran sont sortis de prison après plus de 3 ans de détention. Ils étaient accusés d'espionnage au profit de la France et d'Israël. Ils resteront tout de même en Iran en attendant leur libération définitive. C'est le premier maire musulman de la ville. Zohran Mamdani a été élu à la tête de New York, la plus grande ville des États-Unis. Le démocrate socialiste de 34 ans a largement devancé son principal adversaire, soutenu par Donald Trump, l'ancien gouverneur de l'État, Andrew Cuomo. La semaine dernière était polémique pour Shein. La marque chinoise a fait son ouverture mouvementée au BHV. Quant aux 7 galeries Lafayette, qui devaient aussi l'accueillir mais qui s'y opposaient, ils signent la fin de leur contrat avec BHV. Celui-ci exploitait ses magasins, qui changeront donc de nom. Des procédures judiciaires sont également en cours à l'encontre de Shein. Olivier Rousteing quitte Balmain après 14 ans de collaboration. Le designer français a intégré la maison en 2009 en tant que responsable de création du studio. Il deviendra le premier directeur artistique noir nommé à la tête d'une maison française, 2 ans après à seulement 25 ans. Il est réputé pour avoir bouleversé les codes de l'industrie, de la mode et du luxe. Damien Penaud devient recordman d'essai avec le 15 de France. L'ailier de 29 ans est devenu le meilleur marqueur de l'histoire des Bleus lors du match contre l'Afrique du Sud. Au compteur, 40 essais. Damien Penaud joue également au club de l'Union Bordeaux-Bègle. Laurent Mauvignier obtient le prix Goncourt 2025 avec La Maison Vide. Publié aux éditions de Minuit, son roman revient sur les secrets de son histoire familiale sur 3 générations. Merci Valentine pour ce premier affluoté résumé de l'actualité de la semaine dernière et on enchaîne directement avec le second affluoté du jour présenté par Nina. Un jeune homme de 20 ans tué jeudi, c'était à Marseille en début d'après-midi en pleine rue proche de la plus grande salle de concert de la ville. Il s'agit du frère d'un militant anti-narcotrafic connu. L'enquête en cours déterminera s'il s'agissait bel et bien d'un règlement de compte. Le shutdown américain le plus long de l'histoire s'est fini mercredi. Les démocrates espéraient obtenir l'extension de subventions pour l'Obamacare, l'assurance maladie américaine, mais les républicains auront finalement réussi à faire plier 7 sénateurs démocrates et obtenir le vote sans compromis. Le shutdown aura duré 43 jours. Le seul djihadiste du 13 novembre 2015 encore en vie, Salah Abdeslam, veut commencer un parcours de justice restaurative selon son avocate. Un parcours pour le moment impossible dans des affaires de terrorisme, même si le parquet national antiterrorisme souhaite ouvrir la voie. Après 20 jours de détention, Nicolas Sarkozy est sorti de la prison de la santé lundi. En attendant son procès en appel prévu de mars à juin 2026, il ne doit ni quitter le territoire, ni entrer en contact avec des hauts fonctionnaires français. Gérald Darmanin est d'ailleurs visé par une plainte d'avocat accusé de soutien implicite à l'ancien président. L'éducation nationale est visée par une plainte pour harcèlement. La compagne de Caroline Grandjean, l'institutrice victime de propos homophobes pendant 2 ans, ayant fini par se donner la mort en septembre 2025, estime que l'éducation nationale n'a rien fait pour améliorer la situation de Caroline. L'institutrice se sentait abandonnée par sa hiérarchie, ainsi que par le maire de sa ville du Cantal, aussi visé par la plainte. L'équipe française de foot se qualifie pour le mondial face à une Ukraine transparente. Les Bleus se sont imposés 4-0. Au vu de la date particulière, 10 ans après les attentats de Paris, la rencontre avait commencé par une minute de silence devant une banderole Football for Peace. Merci Nina. Un match très symbolique donc et qui a rappelé des événements tragiques pour la France sur lesquels on va revenir plus en détail tout de suite avec Lina. Debout ! Macron, il a récupéré tous les tocards de la politique. Moi ? Mais qui elle est celle-là ? Quelle indignité. Voilà 10 ans que la France a subi la pire attaque contre sa nation. Jeudi, on se souvenait des 132 personnes assassinées à Paris, mais aussi des 413 blessés, dont 99 en situation d'urgence absolue. D'abord en Seine-Saint-Denis, aux abords du Stade de France, pendant un match de l'équipe de France, 3 terroristes se font exploser à l'extérieur. Ce sont les premiers attentats suicides sur le territoire. D'autres hommes armés s'attaquent aux terrasses du 10e et du 11e arrondissement de Paris. Finalement, l'épisode le plus meurtrier est au Bataclan pendant un concert de rock des Eagles of Death Metal. François Hollande, président de la République, déclare l'état d'urgence dans la nuit du 13 au 14. Il sera levé le 1er novembre 2017 avec l'entrée en vigueur de la loi SILT. Alors il y avait déjà eu un attentat en France le 7 janvier 2015, mais quand la cible avait été précise, des journalistes, cette fois pas de critères. Ce 13 novembre 2025, l'association Life for Paris, des victimes de l'attentat revendiqué par l'État islamiste, s'est dissoute. Un jardin mémoriel est inauguré, autant de commémorations pour ne pas oublier, pour toujours avancer. Ces commémorations coïncident avec du mouvement en prison. Les premiers transferts vers la prison de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe ont commencé cette semaine. Dans cette prison seront placés les 500 détenus considérés comme les plus dangereux du territoire. Ils sont déjà depuis cet été Mohamed Amra et Salah Abdeslam, ce dernier étant le seul terroriste survivant des attentats du 13 novembre. Les premiers narcotrafiquants les ont rejoints jeudi au quartier de lutte contre la criminalité organisée. La création de cette prison de haute sécurité a coûté 5 millions d'euros, selon le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. À l'approche de la Journée internationale du droit de l'enfant, une étude pour aider les jeunes majeurs jusqu'à 25 ans est sortie jeudi. On sort de l'aide sociale à l'enfance, ASE, à 18 ans. Mais pour le collectif Cause Majeure, composé d'acteurs de l'ASE, ce n'est pas une solution viable. Dans une étude chiffrée, elle explique que les chemins divers que pourrait prendre Paul, un personnage fictif, s'il était soutenu. Son histoire, c'est le quotidien des presque 350 000 mineurs et jeunes majeurs sous protection. Si l'aide depuis 2022 s'étend jusqu'à 21 ans, un majeur sur deux seulement en bénéficie dans les faits. Cause Majeure souhaite donc rendre ce devoir un droit opposable. Le jeune décide avec son équipe éducative quand l'aide s'arrêtera. L'étude sera évoquée le 20 novembre, journée des droits de l'enfant. On passe d'une crise à l'autre dans cette émission, puisqu'on va désormais s'intéresser au Soudan où un tout autre type de crise se joue. Et c'est Loubna qui va vous en parler. God save the king. Sono una donna, sono una madre, sono italiana. I have a dream. Be you, be proud of you. C'est l'une des pires crises humanitaires et de déplacement au monde selon l'ONU. La guerre civile au Soudan, qui a débuté en avril 2023, continue de ravager le pays. La guerre oppose les forces armées soudanaises, dirigées par le général Abdel Fattah al-Burhan, à une milice paramilitaire, les Forces de soutien rapide, ou FSR, de Mohamed Hamdan Dagalo, dit Emetti. Ces deux hommes se sont engagés dans une lutte pour le pouvoir. Lutte qui a fait des dizaines de milliers de morts et près de 13 millions de déplacés. L'ONU s'inquiète particulièrement de la situation dans la ville d'El Fasher. Fin octobre, cette ville, située dans la région du Darfour du Nord, a été prise par les paramilitaires des FSR, forçant des milliers de civils soudanais à fuir. Des témoignages y font état d'exécutions sommaires, de massacres, de viols ou encore d'attaques contre des travailleurs humanitaires. Le conseiller spécial des Nations Unies pour la prévention du génocide, Chaloka Beyani, a mis en garde contre de possibles crimes de masse dans cette ville. L'ampleur de la crise au Soudan n'est plus à démontrer alors qu'il s'agit de l'un des rares pays au monde où l'état de famine a été confirmé. Du côté de l'environnement, la COP30 a débuté et elle a été quelque peu bousculée. La 30e conférence des parties se déroule à Belém, au Brésil, du 10 au 21 novembre, sans les États-Unis. Des manifestants autochtones ont tenté de forcer l'entrée du site. Ils ont été repoussés par les agents de sécurité et certains manifestants ont opposé une résistance. Les manifestants participaient à la marche pour la santé et le climat qui s'était terminée devant le site de la COP30. Un discours de Trump a conduit le président de la BBC à la démission. Le directeur général de la BBC, Tim Davy, et la directrice de l'information, Deborah Turness, ont démissionné. La BBC avait été accusée d'avoir fait un montage trompeur durant un épisode de l'émission Panorama. La chaîne avait lié deux morceaux du discours de Donald Trump, prononcé le jour de l'assaut du Capitole, le 6 janvier 2021. Le montage aurait donné l'impression que Donald Trump incitait à attaquer attaqué le Capitole. La BBC a présenté des excuses alors que le président américain a menacé de porter plainte. Merci Loubna. La BBC se retrouve donc sans directeur et le chômage avec un nouveau membre. Mais il y en a d'autres qui ont toujours leur travail et qui travaillent gratuitement depuis ce début de semaine et ce sont les femmes. Zoltan vous explique tout. This is Elon Musk. La date est symbolique. Depuis ce lundi à 11h31 précisément, les femmes travaillent gratuitement. C'est le reflet des inégalités salariales. Chaque année, la lettre d'information féministe Les Glorieuses calcule cette date et cette heure d'après les données de l'INSEE. Concrètement, à temps de travail égal, les femmes gagnent en moyenne 14,2% de moins que les hommes. C'est comme si elles travaillaient gratuitement jusqu'à la fin de l'année. Parmi les explications, les femmes occupent plus souvent des emplois à temps partiel et sont surreprésentées dans les secteurs comme les soins, des métiers sous-valorisés par nos standards économiques et patriarcaux, a dénoncé la chef du parti écologiste Marine Tondelier. Est-ce qu'il y a des avancées ? Depuis 2016, l'écart salarial entre les femmes et les hommes a diminué de 0,9 points de pourcentage, mais c'est insuffisant pour les Glorieuses. À ce rythme-là, on atteindrait l'égalité dans 142 ans. Néanmoins, la France devrait instaurer l'an prochain la transparence salariale via la transposition d'une directive européenne. Cela va notamment aider les femmes à négocier leur salaire, explique la fondatrice des Glorieuses, Rebecca Amselem. Selon elle, dans les pays qui l'ont déjà mise en place, comme l'Islande ou la Suède, les écarts de salaire sont devenus un non-sujet. Les débats sur le budget de la sécurité sociale s'interrompent sans vote à l'Assemblée. Après l'adoption de la suspension de la réforme des retraites, les députés n'ont pas pu terminer mercredi l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ils ont adopté la partie sur les recettes, mais pas celle sur les dépenses. Le texte sera examiné au Sénat avant de revenir à l'Assemblée. Les parlementaires ont jusqu'au 12 décembre pour voter le budget de la sécurité sociale. La polémique enfle après la révélation d'une vidéo sur la manifestation de Sainte-Soline. Injures contre les manifestants et les journalistes, tirs tendus de grenades au risque de blessures graves jusqu'à engager le pronostic vital, les images dévoilées la semaine dernière par Libération et Mediapart font réagir. Elles ont été tournées par les caméras piétons des gendarmes lors de la manifestation du 25 mars 2023 contre les méga-vaccines. Des parlementaires écologistes ont saisi la procureure de Rennes en charge du dossier. Le ministre de l'Intérieur de l'époque et actuel garde des Sceaux, Gérald Darmanin, a refusé à la presse tout commentaire. Merci Zoltan. Les forces de l'ordre françaises naviguent donc en pleine tempête, mais ce ne sont pas les seules, puisqu'au festival d'Angoulême, l'ambiance n'est pas à la fête, comme va vous l'expliquer Maëlle. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, tu me parles pas d'âge. I recoupe the ball. Plusieurs maisons d'édition et dessinateurs des bandes dessinées menacent de boycotter le Festival international de bandes dessinées prévu début 2026. En cause, 9e Art Plus, l'organisateur du festival depuis 2007. Le journal L'Humanité y a révélé plusieurs dysfonctionnements, opacité financière, dérive mercantile, licenciement d'une salariée pour faute grave alors qu'elle venait de porter plainte pour viol. Face à la fronde, le directeur de 9e Art Plus, Franck Bondou, a annoncé se mettre en retrait. Cette affaire ne date pas d'hier. Au printemps 2025, suite aux pressions, le contrat de 9e Art Plus a pris fin. L'organisation de l'édition 2028 aura donc de fortes chances d'être confiée à un concurrent. Un comité renouvelé, composé de représentants de l'Association du Festival International de la Bande Dessinée, des financeurs publics, des professionnels du secteur, sera chargé de la sélection. Direction la Martinique. Les 30 candidates à la couronne de Miss France 2026 sont parties en voyage de préparation sur l'île aux fleurs, la terre natale d'Angélique Angarny-Philopon, Miss France 2025. Les Miss régionales découvrent la culture martiniquaise, jonglent entre défilés, interviews et séances photos. Elles se sont d'ailleurs mesurées au traditionnel test de culture générale. En parlant de Miss, FG Miss France 2024 concourt actuellement au titre de Miss Univers en Thaïlande. Sa détention aura duré un an. Enfin libre, Boualem Sansal a quitté l'Algérie. La libération de l'écrivain franco-algérien a été le fruit d'une coopération des diplomaties françaises, algériennes, mais aussi allemandes. C'est d'ailleurs vers l'Allemagne, dans un hôpital berlinois, que l'octogénaire a été transféré. Au cœur de la crise diplomatique entre Paris et Alger, ce sont ses propos sur le Sahara occidental qui ont notamment attiré les foudres des autorités algériennes. Merci Maëlle, vous avez été gâtés en culture aujourd'hui, chers auditeurs et auditrices, mais c'est loin d'être fini puisque Juliette a encore quelques recommandations pour vous. Absolument tout ce qui fait de vous ce que vous êtes peut faire de vous un bon journaliste. Colline, c'est quoi ton journal préféré ? Concrètement, qu'est-ce que le jury peut nous demander ? À force, vous ne ferez plus qu'un avec l'actu. Mais messieurs, dames, aficionados de l'audiovisuel, j'ai tout de même quelques définitions pour vous. Maintenant, à vos carnets et à vos stylos. Parmi mes recommandations de la semaine, une série et deux livres. Dans le cadre de la commémoration des 10 ans des attentats du 13 novembre, je vous recommande la mini-série « Des vivants » signée par Jean-Xavier de Lestrade. Cette mini-série s'inspire du témoignage des rescapés du Bataclan, ces potages, qui ont partagé 2 heures d'enfer dans un couloir de la salle. Entre mémoire fragmentée et besoin de se reconstruire ensemble, « Des vivants » explore la résilience face au trauma collectif, une mini-série disponible sur France Télévisions. Pour ma deuxième suggestion, je vous recommande l'ouvrage « La fabrique du malheur » du journaliste Claude Hardy, publié en avril 2025. Il nous plonge au cœur de l'aide sociale à l'enfance et en dévoile les failles abyssales, enfants brisés, éducateurs épuisés, État impuissant. Une enquête glaçante sur un système censé protéger, mais qui fabrique trop souvent du malheur. Et pour finir, un autre ouvrage que je vous recommande, « Avoir 20 ans à Sainte-Soline », publié en mars 2024 sous la direction du collectif du Loriot. Ce livre donne la parole aux jeunes manifestants de Sainte-Soline entre engagement écologique, colère et solidarité militante. À rebours des caricatures d'éco-terroristes, il raconte une génération qui cherche encore comment agir pour le vivant. Merci Juliette, de quoi connaître ces sujets complexes sur le bout des doigts. Et on va terminer cette émission avec la traditionnelle présentation d'école. Cette semaine, présentation de l'IPJ avec Marine en M2, une école qui ne se limite pas aux cours de presse écrite, de radio et de télé. Par exemple, une semaine de police-justice où on va aller au tribunal, ou encore une semaine de journalisme européen où on est allé à Bruxelles, une semaine de data-journalisme. Et ce que je trouvais bien aussi, et ça c'est pour la deuxième année, on peut vraiment faire notre deuxième année à la carte en choisissant des options, mais aussi entre par exemple data-journalisme, agence, police-justice, culture. D'un autre côté, c'est vrai que les cours s'accumulent énormément. On va pas avoir une période où on va avoir que de la radio, que de la télé ou que de la presse écrite. C'est vraiment semaine après semaine, on change. Et donc c'est vrai que on doit tout assimiler en même temps. On doit jongler avec tout en même temps. Et c'est vrai que ça peut être un peu difficile par moment. Il faut s'accrocher. Voilà de quoi vous donner peut-être envie d'aller découvrir l'IPJ. C'est déjà la fin de ce deuxième épisode de la saison. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. On remercie également Jean Combe qui était à la régie aujourd'hui. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.